Avez-vous plus d'informations là, pour l'intervention? On n'a pas grand-chose dans les notes. Là, s'il y a des personnes incommodées, puis la quantité d'acétone qui a été utilisée. La situation qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui se sont collées les mains sur des vitrines à l'intérieur des bâtiments pour la manifestation. Il n'y a aucune personne d'incommodée pour le moment. C'est que les 1035 vont utiliser de l'acétone pour les décoller. Ils voulaient notre assistance pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation ou qu'il n'y ait aucune personne qui soit incommodée par l'acétone.